L'association des Coréens au Japon pour la réunification pacifique a publié le 26 une déclaration contre les actes anti-humains des autorités sud-coréennes. La déclaration indique que les autorités sud-coréennes ont enlevé collectivement les citoyens de notre République à l'étranger pour ainsi en abuser à la confrontation fratricide. Elle a souligné qu'elles doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour la rencontre des familles des victimes avec leurs filles.